mwen, an pa ou tou sa mwen te ti ni demeye. Tou se akko an mwen koko wa, nan an mwote ka pran ti fe ou pati. Ye poutan mwen vle ou an ka vou. Ye poutan mwen vle ou an ka vou. L'amour cassé, la gueule est cassée. L'amour cassé, l'amour cassé, vous savez tout les, après moi goûter, moi peux soulager, mais vous pas là. Mon Messie.